wundervoll. Amen. We just sang a song that said, I have a very big God. Wir haben ein Lied gerade gesungen, was sagt, dass wir einen sehr großen Gott haben. On vient de chanter qu'on a un très grand Dieu. He is a big God. Er ist ein großer Gott. Il est un Dieu grand. Amen. Amen. He is so big. Er ist so groß, der Herr. Il est grand. Amen. Amen. The whole world is on just on his palm. How big that palm is. You know, if he slaps somebody with that palm, I don't know what will happen. Amen. Yeah. That, I don't know. You know, that his hand, only he said he's held the universe with his own hand. Mm-hmm. Gottes Wort sagt, dass er das Universum in seiner ganzen Handfläche trägt. Und wie groß muss diese Handfläche sein? Stellt euch mal vor, dass er jemandem mit dieser Hand eine Backpfeife geben würde, was da passieren würde. La Bible dit que Dieu tient à l'univers avec sa propre main. Et puis ça montre aussi que Dieu est tellement grand. Ça veut dire aussi, si par exemple Dieu nous frappe avec sa main, qu'est-ce que ça va faire avec nous? Praise the Lord. Hallelujah. Our Lord is so big. Unser Herr ist so groß. Notre Dieu est grand. Amen. Amen. You know how you see him, that's how he is for you. So wie wir ihn sehen, so wird er auch für uns sein. La façon comment tu le vois, c'est comme ça, il sera aussi pour nous. Amen. Amen. Go to Hebrew 3. Hebrew 1 verse 3. Hebräer 1 vers 3. Amen. Amen. Hebrew 1 verset 3. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He is so big. Der Herr ist so groß. Dieu est grand. In verse 3 said, who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the power of his, by the words of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord is bigger than the whole universe. Verset 3, toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Der Herr ist größer als das ganze Universum. Dieu est plus grand que tout l'univers. Bigger than everything. Größer als alles andere. Plus grand, plus que tout. Before him, things are so small, everything put together. Für ihn ist alles so klein. Amen. Devant lui, tout est trop petit. He upholds everything with the power of his word. Er trägt alles mit der Kraft seines Wortes. Il tient tout avec sa parole puissante. Praise the Lord. Hallelujah. Today we're going to our message, which is the radical for Christ. Continue. Heute geht es weiter mit den Radikalen für Christus. On va continuer avec le message du radical en Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this radical is for all of us, to be radical for Jesus. Radikal zu sein für Jesus ist für uns alles. Être radical pour Jésus-Christ, c'est pour nous tous. Only the radicals can make it. Nur die Radikalen können es schaffen. Until you are radical, you are going to give up. Wenn wir nicht radikal sind, werden wir aufgeben, ja. Parce que si tu n'es pas radical, tu vas laisser Jésus-Christ. If you are not radical, you are going to give up. You'll be tired. Wenn wir nicht radikal sind, werden wir müde sein. Wir werden satt haben. Si tu n'es pas radical, là, tu seras aussi fatigué de continuer avec Jésus. Radical to see him alone. Radikal and not you heißt, and me. Et puis radical, ça veut dire aussi de ne pas te voir toi-même ou bien toi-même et lui, mais seulement lui-même. Only the radicals can shaft it. Nur die Radikalen können es schaffen. To the end. Seulement le radical peut supporter jusqu'à la fin. Go to Matthew 11 again, please. Let us go there today again. Amen. Matthew 11. Matthew 11. And Lord, let us see where Jesus talked about the radical. Wo Jesus über die Radikalen spricht. Matthew 11, verset 12. Amen. He said, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffer violence, and the violent take it by force. By force. Das durch Gewalt. By force. Durch Gewalt. Avec violence. You take the kingdom of heaven by force. Du nimmst das Königreich durch Gewalt. Tu prends le royaume des cieux avec violence. It means only the radical can make it, can shape it. Das heißt, nur die Radikalen können es schaffen. Ça veut dire seulement les radicaux peuvent arriver jusqu'à la fin. Praise the Lord. Hallelujah. The eyes of the radicals are on one thing, just one thing. Die Augen der Radikalen sind nur auf eine Sache gerichtet. Les yeux des radicaux sont fixés seulement sur une chose. And that one thing is Christ. Diese eine Sache ist Christus. Et cette chose, c'est Jésus Christ. You never take your eyes away from him. Du nimmst deine Augen niemals von ihm. That's out of the radical. So sind wir radikal. Tu n'enlèves jamais tes yeux de Jésus Christ. C'est comme ça, tu es radical. Amen. If you go to Colossians, Colossians 1. Praise the Lord. Hallelujah. Only you know the radicals. They, for them is just one thing. That's Christ. Es ist einfach nur eine Sache, nicht Christus. Pour les radicaux, il s'agit seulement d'une chose. Amen. Amen. It is one thing and it must be one thing. Es ist eine Sache und es bleibt eine Sache. C'est une chose et puis ça doit être aussi une chose. And that one thing is Jesus Christ. Und diese eine Sache ist Jesus Christus. Et cette chose, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. If not, you are going to be tired. Sonst wirst du müde sein. Sinon, tu vas être fatigué. Amen. Amen. If not, you are going to give up. Sonst wirst du aufgeben. Sinon, tu vas laisser Jésus-Christ. If not, you cannot continue. Sonst wirst du nicht weitermachen können. Sinon, tu vas continue avec lui. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 12 of Colossians 1. Colossians 1, verse 12. He said, "Giving thanks unto the Father which hath made us to be partakers of the inheritance of the saints in light." Amen. Amen. You are the saint. Wir sind die Heiligen. Nous sommes les saints. It's only through Christ you are saint. Durch Christus sind wir heilig, nicht durch den Papst. Seulement à travers du Christ tu es saint, pas à travers du Pape. Amen. Amen. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear Son. Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of Jesus is where we belong. Das Königreich von Jesus Christus, dahin gehören wir. Nous appartient dans le royaume du Dieu. We are in this world, but not of this world. Wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Nous sommes dans le monde, nous sommes pas du monde. And that is why what fight them here does not cannot fight us, because we are not of here. Deswegen das, was die Leute hier angreift, greift uns nicht an, weil wir nicht von hier sind. Ça veut dire tout ce qui combat le monde, ça ne combat pas parce que nous sommes pas d'ici. Amen. Amen. What pursue there can never pursue us because we are not of here. Was sie jagt, kann uns nicht jagen, weil wir nicht von hier sind. Ce qui poursuit le monde, ça peut pas nous poursuivre. Learn to be Christ. Lernt in Christus zu sein. Je dois apprendre d'être en Jésus Christ. Remind yourself of him always. Erinnere dich immer wieder an ihn. Rappelle-toi toujours à lui. Remember that you are never alone without him. Du bist niemals ohne Jesus. Amen. Rappelle-toi que tu es jamais sans lui, tu es jamais toute seule. Your blood is Christ's blood. Dein Blut ist das Blut. The earlier you know that, the better for you. Ton sang, c'est le sang de Jésus Christ. Tu dois le savoir. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What makes you your natural appearance, child or children, is your blood. What makes you a son of Jesus Christ, of God, is the blood of Jesus. The same blood. Weshalb blood bist du mit blood deiner Familie verwandt? Wegen dem Blut. Aber wieso bist du mit Jesus verwandt? Auch wegen dem Blut. Wegen dem Blut von Jesus Christus. Amen. Pourquoi est-ce que tu es un enfant de tes parents naturels? C'est à cause de ton sang. Mais c'est comme ça aussi tu es un enfant de Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Once it comes to Christ, you are no longer of this world, but of Christ Jesus. Wenn es Christus geht, gehörst du nicht mehr zu dieser Welt, sondern zu Christus. Amen. Quand il s'agit de Jésus-Christ, tu n'appartiens pas au monde, mais tu appartiens à Jésus-Christ. In verse 14, it said, "In whom we have redemption through his blood." Are you getting it? Through his blood. In 14 steht, dass wir die Erlösung haben durch sein Blut. Amen. Verset 14 dit, par ce fils nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. That is why we are one family. Deswegen sind wir eine because Familie. Of the blood of Jesus Christ. Blut von Jesus Christus. C'est pourquoi nous sommes une famille à cause du sang de Jésus-Christ. Christ's blood is thicker than the natural blood. Das Blut von Jesus Christus ist dicker als das natürliche Blut. Parce que le sang de Jésus-Christ est plus fort que le sang naturel. No natural blood can save you. Kein natürliches Blut kann dich retten. Aucun sang naturel peut te sauver. But Christ's blood is salvation. Aber das Blut von Christus ist Errettung. And it's a savior. Ist Retter. Amen. Mais le sang de Jésus-Christ est ton sauveur. Amen. Amen. You better believe you have Christ's blood than the natural blood. Glaube lieber, dass du zum Blut von Christus gehörst und nicht zum natürlichen Blut. Tu dois croire que tu appartiens au sang de Jésus-Christ et pas au sang naturel. Praise the Lord. Amen. You know, in the spiritual world, they love blood so much. In der geistlichen Welt lieben sie Blut. Au monde spirituel, ils adorent le sang. Both the satanic world and Christ's world. In der teuflischen Welt. Without blood, you cannot go into the spiritual world. Ohne Blut kannst du nicht in die geistliche Welt gehen. Au monde satanique, plus aussi au monde du Christ, le sang est très important. Sans le sang, tu ne peux pas entrer au monde surnaturel. Satan use human's blood a lot. Der Satan nutzt das Blut von Menschen. Parce que le diable utilise le sang des hommes. If your focus is still on the natural blood, you are in problem. Wenn dein Fokus immer noch auf dem natürlichen Blut liegt, wird dein Blut nutzen? Is somebody getting it? Si ta concentration est seulement sur le sang naturel, là, le diable sera aussi capable à utiliser ton sang. Since you became a son of God, you have another blood. And Satan, is that blood that defeated Satan? Amen. That's blood, it's above Satan. Satan can do nothing with that blood. Und dieses Blut ist das Blut, was den Teufel besiegt hat. Das Blut von Jesus Christus. C'est seulement le sang de Jésus-Christ qui a combattu le diable. Et puis c'est ça aussi, tu as combattu le diable parce que le sang de Jésus-Christ est en toi. The natural blood is Satan's property. Das natürliche Blut ist der Besitz des Satans. Parce que le sang naturel appartient au diable et puis il utilise ça aussi comme il veut. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In verse 14, it said, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. 15. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Praise the Lord. Alléluia. The firstborn. Die Erstgeborene. Verset 15. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut pas voir. Il est le fils premier-né. Au-dessus de toutes les choses créées. Jésus-Christ est le premier-né. Why is he called the firstborn? Wieso wird der Erstgeborene genannt? Pourquoi il est appelé le premier-né? Because you are also born. Denn du bist auch geboren. Parce que toi aussi tu es né. We follow him. Wir folgen ihm. Et puis on suit Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 16, for by him we are all things created. That are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or power, all things were created by him and for him. Amen. Praise the Lord. Amen. Verset 16. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, et forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Amen. Praise the Lord. Alleluia. The earlier you allow it to be only Christ, the better for you. Umso früher du zulässt, dass es nur Christus geht für dich, umso besser für dich. Si tu laisses que Jésus-Christ est la seule personne pour toi, ça sera mieux pour toi. He said everything, they were created by him and for him alone. Alles wurde durch ihn und für ihn erschaffen. Alles ist für ihn. La Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. The radicals never see themselves, they see Christ. Die Radikalen sehen nicht sich selbst, sie sehen Christus. Amen. Le radical ne se voit jamais eux-mêmes, mais ils voient Jésus-Christ. The radical never see what people are doing to them, they see what Christ did for them. Die Radikalen sehen nicht das, that's was Leute für sie tun, was Christus für sie getan hat. Et les radicaux ne voient jamais ce que les gens ont fait, mais ils voient toujours ce que Dieu a fait. Praise the Lord. Amen. The radicals are hated everywhere today. Und die Radikalen werden überall gehasst. Et les radicaux sont détestés partout. Amen. Amen. If you are radicals, people will hate you. Wenn du radikal bist, werden Leute dich hassen. Si tu es radical, les gens vont te détester. Amen. Amen. If you are radicals, people will fight you. Leute werden dich bekämpfen. Ils vont te combattre aussi. If for you it's only Christ, people will hate you. Wenn es dir nur um Christus geht, dann werden dich Leute hassen. Si il s'agit seulement de Jésus-Christ dans ta vie, les gens vont te détester. Family, friends, they will hate you. Familie, Freunde, they don't want to have anything to do with you. Sie wollen nichts mit dir zu tun haben. Même tes familles ou tes amis ne vont pas voir. Because they hate Jesus, they are going to hate you. Wenn sie Jesus hassen, werden sie auch dich hassen. Parce que si ils détestent Jésus-Christ, ils vont te détester. Remember, Jesus was also radical for his father. Erinnert euch, Jesus war auch radikal für seinen Vater. Rappelle-toi, Jésus a été aussi radical pour Dieu. He said, "My Father and I, we are one, and not two." Er hat gesagt, mein Vater und ich, wir sind eins, nicht zwei. Il a dit que mon père et moi nous sommes un et pas deux. He said, "I do all things that please Him alone." Er sagt, ich tue nur die Dinge, die ihm gefallen. Il a dit, je fais tout ce qui plaît à mon père. For Jesus, it was all about his father. Jesus ging es nur um seinen Vater. Pour Jésus, il s'agissait seulement de son père. And the Bible said in John 20, he said, as his father sent him, so also he sent us. Und die Bibel sagt, dass so wie der Vater ihn gesandt hat, hat uns gesagt. John 20. La Bible nous dit que la façon comme Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est comme ça aussi Jésus nous a envoyé. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And we know that Jesus is our example. Wir wissen, dass Jésus unser Vorbild ist. Et on sait que Jésus-Christ est notre exemple. Amen. Amen. Verse 20, John 20, verse 21. Johannes 20, Vers 21. Jean 20, verset 21. Are we there, please? My baby boy, where is your Bible? Is that all? What? You don't have? Why? Please give him Bible. Aber es ist Deutsch. Habe ich auch schon. You're supposed to have. Please have a Christian one for him. Amen. He needs one. It's not too small to study with us. To read the Bible. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Verse 21. It said, then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father has sent me, even so sent I you. Verset 21. Jésus leur dit encore une fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. You know, he never said, you know, he refused to separate himself from his Father. Er hat sich geweigert, sich von seinem Vater zu trennen. Il a refusé de se séparer de son Père. Amen. Amen. There was never a time he separated himself from his father. Es gab keinen Zeitpunkt, wo er sich von seinem Vater getrennt gesehen hat. Il n'avait pas même une situation où il s'est séparé de son père. In John 10, verse 30. Johannes 10, Vers 30. Look at what he said there. John 10, John 10 verse 30. That is, can you help us to read? John 10, 30. Ich und der Vater sind eins. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And that's what you have to say today, that you and Jesus, you are one. Und das sollten wir heute sagen, dass du und Jesus, wir sind eins und nicht zwei. Amen. Jean 10, verset 30, mon père et moi, nous sommes un. C'est comme ça si tu veux être capable à dire que toi et Dieu, vous êtes un. His father sent him, and he sent you and me. Sein Vater hat ihn gesandt und er hat uns gesandt. Son père lui a envoyé, puis c'est comme ça Jésus nous envoie aussi aujourd'hui. Look at John 8, verse 29. Johannes 8. Look at what he said. Jean 8, verset 28. 29. Amen. Amen. And he that sent me is with me. Praise the Lord. Amen. You are to believe that Jesus is with you 24/7. Dass Jesus 24/7 bei dir ist. Tu dois croire que Jésus-Christ est avec toi 24 heures à 24 heures. Remember Matthew 28. He said, "I will be with you forever." Er hat gesagt, ich werde für immer bei dir sein. In Matthäus 28. Dans Matthieu, il a dit aussi qu'il va être avec toi pour toujours. Amen. Amen. And here he's saying, he that sent me is with me. The Father hath not left me alone. For I do always those things that please him. Amen. Amen. Amen. Verset 29. C'est lui qui m'a envoyé et avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Praise the Lord. Amen. Look at Matthew 28. Matthieu 28. Maintenant, on va lire Matthieu 28. From verse 18 to the end. 18 bis zum Ende. Verset 18 jusqu'à la fin. And Jesus came and spake unto them, saying, All power in heaven, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Verset 18. Jésus s'approche et leur dit, J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allow it to be rooted in you that you are never alone. Apprenez-leur à obéir tous les commandements que je vous ai donnés et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lasst zu, dass es verwurzelt ist in dir, dass du niemals alleine bist. Et ça doit être raciné dans ton cœur que tu es jamais toute seule. Praise the Lord. Alleluia. Please allow it to be rooted in you that you are never alone. Amen. Ça doit être raciné dans ton cœur que tu es jamais toute seule. Because sometimes it seems as if you are alone. Denn es wird manchmal so erscheinen, als ob du alleine bist. Parce que ça va, tu auras des situations où tu te sens tout seul. You don't need anything to be working naturally before you know that you are never alone. Aber du, es muss nichts in deinem Leben laufen, damit du weißt, dass du nicht alleine bist. Et les choses naturelles n'ont pas besoin de fonctionner avant que tu crois que tu es jamais toute seule. All you need to do is remember that he's not a man that should lie. Erinnere dich daran, dass der Herr nicht lügt. Amen. Rappelle-toi que Dieu ment jamais. Here he said he will be with you forever. Il sagt, er dass er für immer bei dir sein wird. Il a dit, il va être avec toi pour toujours. He always keeps to his word. Er hält sein Versprechen. Et il tient toujours à ses paroles. If there's somebody that can keep to his word, it should be Jesus Christ. Wenn jemand sein Versprechen halten kann, dann Jesus Christus. Et s'il y a quelqu'un qui tient à ses promesses, là c'est Jésus-Christ. The Bible says, "Let God be true, and all other things lies." Die Bibel sagt, lass zu, dass Jesus Christus die Wahrheit spricht und jede andere Lüge. Et la Bible nous dit que laisse les gens être les menteurs, mais Dieu dit la vérité. Let us go to John 15. Johannes 15. Jean 15. If you are radical for Jesus, people will hate you. Wenn du radikal bist für Jesus, werden Leute dich hassen. Si tu es radical pour Jésus, les gens vont te détester. Because you are going to prove all things. Weil du alles prüfen wirst. Tu vas tout juger. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they hate to see you for proving them. Sie hassen es zu sehen, dass du sie prüfst. I don't, I mean, you can prove me. Aber du kannst mich prüfen. Ich habe kein Problem damit. Et les gens qui détestent d'être examinés, et puis c'est ça, c'est le diable aussi. Praise the Lord. Hallelujah. I don't have anything to hide. Ich habe nichts zu verbergen. Je n'ai rien à cacher. You know, once you press me, it's Christ that will come out. Wenn du mich drückst, ist es Christus, der aus mir herauskommt, nichts anderes. C'est Jésus-Christ qui va sortir. Amen. Amen. Born inside and outside is Christ. Ist Christus. Parce que l'intérieur et l'extérieur, c'est Jésus-Christ. No secret inside and outside is Jesus. Keine There's nothing like that. Keine Geheimnisse innen und außen, was anderes. Il n'y a pas de secret. L'intérieur et l'extérieur, c'est la même chose. He said, prove all things. Wir sollen alles prüfen. Il a dit, nous devons tout examiner. Amen. Amen. Before we go to that of John 15, if you go to 1 Corinthians 2, 1 Corinthians 2, go there, please. 1 Corinthiens 2. Praise the Lord. Hallelujah. If people are telling you, you are judging me, tell them that yes, I'm doing what Jesus said that you do. Wenn Leute sagen, du richtest über mich, dann sagst du, ja, ich tue genau das, was Jesus mir befohlen hat. Quand les gens te disent que tu es un peu de juger, tu dois dire que oui, c'est exactement ce que je fais parce que mon père m'a dit de juger. Verse 15. 1 Corinthians 2, verse 15. 1 Corinthiens 2, verset 15. He said, but he that is spiritual judges all things. Mm. Are you getting it? Der geistliche gesinnte Mensch richtet alles. Alles. Et celui qui a l'esprit saint peut juger de tout, mais lui personne ne peut le juger. Praise the Lord. Hallelujah. Yet he himself is judge of no man. Because Christ can never be judged. Weil Christus kann niemals richten. No one can judge Jesus. Niemand kann Jesus Christus richten. Personne ne peut juger Jésus-Christ. In John 15 this time, please. Johannes 15. John 15. If you are radical for Jesus, they will hate you. Jean 15. Wenn du radikal bist für Christus, wird man dich hassen. Si tu es radical pour Jésus, man te déteste. John 15 from verse 18. Johannes 15, erst Vers 18. Jean 15, verset 18. Are we there, please? You see some, what is there? You see what is there? Okay, was dort steht. Amen. Can you help us to read verse 18? Vers 18, ne? Yeah. So euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Praise the Lord. Amen. If the world hates you, you know that it hated me before it hates you. Amen. Le monde vous déteste. Don't be surprised if they hate you. Le monde vous déteste, mais vous devez le savoir, il m'a détesté avant vous. Sei nicht verwundert, wenn sie dich hassen. Ne sois pas surpris quand le monde te déteste. You know, so many times we are surprised if they hate us. Auch so viel verwundert, wenn sie uns hassen. Verwundert. Très souvent, nous sommes surpris si le monde nous déteste. If you choose Jesus, people will hate Wenn du dich für Jesus entscheidest, werden Leute dich hassen. Parce que si tu te décides pour Jésus-Christ, là, le monde va te détester. He chose his father. They hated him. Er hat seinen Vater gewählt. Amen. They hated him for choosing his father. Sie haben ihn gehasst dafür, dass er seinen Vater gewählt hat. Et Jésus a choisi son père et c'est pourquoi le monde lui a détesté. So if you choose Jesus, they will hate you. Don't be surprised. Ça veut dire quand tu choisis Jésus, on va te détester aussi. If the world hates you, know that he hated me before he hated you. If you were of this world, the world would love his own. But because you are not of this world, but I have chosen you out of this world, therefore the world hates you. Praise the Lord. Verset 19. Vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Praise Jesus. Hallelujah. Verse 20. Say, remember the word that I said unto you. The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Verse 21. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Are you getting something here? Okay. Jean 15, versets 20 et 21. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Les gens m'ont fait souffrir et ils chercheront à vous faire souffrir aussi. Ils n'ont pas obéi à mes paroles et ils n'obéiront pas non plus à vos vôtres. Ils vous feront tout cela à cause de moi parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Praise the Lord. Hallelujah. If I have not come, verse 22, and spoken unto them, they have not had sin. But now they have no cloak for their sin. Verset 22. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Even our shield here is evidence against them. Unser Schild hier, was wir hier an der Wand stehen haben, ist auch ein Zeugnis. Because it's also ministry. You know everything written there. This is an evidence against them. Es ist ein Zeugnis gegen sie. Et même le drapeau devant l'église est aussi une évidence contre eux. You know, Jesus said, if I have not come, they don't have sin. Because sin was inherited. We inherited sin. Amen. Amen. That you are a sinner is not your fault. That's why it's coming from somewhere. Adam. It's coming from Adam. They rejected him, then it's your fault. Dass du Sünde tust, oder ein Sünder bist, ist nicht deine Schuld, weil wir die Sünde von Adam geerbt haben. Aber dass wir die Erlösung unserer Sünden verweigern, das ist unsere Schuld, weil das ist eine Wahl, die vor uns gelegt worden ist, indem wir uns für Jesus oder gegen Jesus entscheiden. Und wenn wir uns gegen Jesus entscheiden, sind wir schuldig. Si tu entres des péchés, ce n'est pas ta faute, parce que tu as hérité le péché à cause d'Adam et d'Ève. Mais maintenant, comme Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de péché et tu rejettes la vérité, c'est là où tu as la faute parce que tu as rejeté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. You know, religion believe that God is going to ask you about sin. No, it's going to ask you about Jesus. Religion What glaubt, did you do with Christ? Religion glaubt, dass wenn du vor Gott stehst, wird man dich über deine Taten ausfragen. Aber man wird dich eher darüber ausfragen, was du mit dem Sohn Gottes getan hast. Was hast du mit Jesus gemacht? Et dans la religion, nous avons appris qu'on va te demander au jugement du Christ, on va te demander à cause des péchés ou bien à cause des œuvres. Mais c'est une mensonge parce que normalement, on va te demander qu'est-ce que tu as fait avec Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si tu as vraiment eu une relation avec lui. Because that you are a sinner is your inheritance. Parce que tu es un pécheur, c'est ton héritage. Amen. Amen. You cannot do otherwise. Tu kannst nicht anders. C'est ta nature, tu peux pas faire quelque chose. By rejecting him. Aber ihn zu verweigern. Ihn zu ignorieren. That is where the problem is. Da liegt das Problem. Mais le rejeter. Don't believe in him. Ihm nicht zu glauben. Mais le rejeter, l'ignorer, ne pas croire au nom de Jésus-Christ, c'est ça ta faute. And that's why John 16 said the sin, you know, the only sin is that you don't believe me. Deswegen steht Johannes 16, die einzige Sünde ist, dass wir ihm nicht glauben. Und nicht, dass wir töten, stehlen und zerstören oder anderes tun. Das ist pourquoi la Bible nous dit que la seule faute, c'est ou ton péché, c'est que tu ne crois pas à Jésus-Christ. C'est pas parce que tu es en train de mentir ou bien de voler ou bien quelque chose comme ça. Because if you believe me, you hate what I hate and love what I love. Wenn du Jesus glaubst, wirst du das lieben, was er liebt und das hassen, was er hasst. Amen. Parce que quand tu crois à Jésus-Christ, tu vas détester ce qu'il déteste puis aimer ce qu'il aime. Praise the Lord. Amen. He that hated me hated my father also. Verse 23. Amen. Amen. If you hate Jesus, you hate the true God. Wenn du Jesus hast du den wahrhaftigen Gott. Jean 15, verset 23, c'est lui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Quand tu détestes Jésus-Christ, tu détestes aussi le vrai Dieu. You can see those that fight Christ, they are a problem. Die Leute, die Christus bekämpfen, so haben ein Problem. Haben ein ganz klares Problem. Et les gens qui combattent Jésus-Christ, ils ont un problème. Because it's only through Christ you have the Father. Denn nur durch Christus kommst du zum Vater. The truth and the life. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg. Parce que seulement à travers de Jésus-Christ, tu as une relation avec Dieu, parce qu'il est la vérité, le chemin et puis la vie. Praise the Lord. Hallelujah. You know, so many times we always forget things. Amen. John 14. Do something and go to John 14. Johannes 14. Jean 14. From verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. It's not through Mohammed, it's not through Paul. Nicht durch Mohammed, nicht durch den Papst. Jean 14, verse 6. On a écrit, Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. If you had known me, you should have known my Father also. And from henceforth, you know him and have seen him. Is somebody getting something here? Verset 7. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. He said, if you see me, you see the Father, the true Father, the only Father, the real Father. Der wahrhaftige Vater. Et il a dit, quand vous voyez Jésus-Christ, vous voyez le vrai Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In verse 8, Philip said unto him, Lord, show us the Father. And it will be sufficient unto us. Verse 9, Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And how said thou then, show us the Father. Praise the Lord. Alléluia. Verset 8 à 9. Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui répond, Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? J'ai vu à ce moment. Praise the Lord. In verse 10, it says, believe thou not that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the words. Praise the Lord. Verset 10, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi et c'est lui qui agit. The words that I'm speaking unto you, they are not coming from me. They are coming from Christ. Die Worte, die ich zu euch spreche, kommen nicht von mir, sie kommen von Christus. Et les paroles que je vous dis, ça vient pas de moi, mais ça vient de Christ. Go back to John 15, please. Johannes 15. On rentre à Jean 15. Verse 23 again. He that hated me, he hated my Father also. Jean 15, verset 23. Amen. Amen. And if I have not done among them the works which none other man did, they have not had sin. But now have they both seen and hated both me and my Father. Verse 25. But this cometh to pass that the words might be fulfilled, that is written in their law. They hate me without a cause. Praise the Lord. Hallelujah. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of Truth. Can you see the name of the Comforter? Another name. Comforter, then the Spirit of Truth. Den Namen des Beistandes. Beistand und Geist der Wahrheit. He said, which proceeded from the Father, he shall testify of me. Verset 23 à 26, celui qui me déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait chez eux des actions que personne d'autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu ce que j'ai fait et ils me détestent, moi et mon Père. Dans leur loi, on dit, ils m'ont détesté sans raison. Ils nous déteste pour que cette parole se réalise. Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. C'est le Saint-Esprit de vérité qui vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Et vous serez mes témoins parce que vous avez été avec moi depuis le début. And verse 27. And you also shall bear witness because you have been with me from the beginning. Praise the Lord. Hallelujah. Et vous serez mes témoins parce que vous avez été avec moi depuis le début. Without the Holy Spirit, you can never know the truth. Ohne den Heiligen Geist kannst du die Wahrheit niemals erkennen. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu peux jamais connaître la vérité parce qu'il est l'Esprit de la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If a church is rejecting the Holy Spirit, run away from that church. Wenn eine Gemeinde den Heiligen Geist verweigert, dann flieh von dieser Gemeinde. S'il y a une église qui rejette la, le Saint-Esprit, là, tu dois fuir de l'église. Jesus was hated because he was radical for his father. Jesus wurde gehasst, weil er radikal war für seinen Vater. Et Jésus a été détesté parce qu'il a été radical pour son père. Amen. Amen. We should never be so, you know, don't be surprised at all if people hate you. Sei nicht verwundert, wenn Leute dich hassen, weil du dich für Christus entscheidest. Ne sois pas surpris quand les gens te détestent parce que tu as choisi Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. Praise the Lord. Amen. He said, you shall be hated of all men for my name's sake. But he that endureth to the end shall be saved. Amen. Verset 22. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. I don't get in it. Amen. You know, if you endure to the end, bis ans Ende aushalten, wenn man das schafft, si tu résistes jusqu'à la fin, to start, to continue, and to end with Christ. Anfangen, weitermachen und es beenden mit Christus. Commencer, continuer, puis terminer avec Jésus-Christ. A lot start, but they are never able to continue. Viele fangen mit Christus an, aber sind nicht in der Lage, es weiterzubringen. Sie nehmen Anstoß und wüten. Il y a beaucoup de gens qui commencent avec Jésus-Christ, mais après ils sont offensés puis ils abandonnent Jésus-Christ. Remember John 6, you know, because of her sin, our Lord left him. Erinnert euch an Johannes 6. They are still living him. Wegen diesen harten Worten haben viele ihn verlassen. Leute verlassen ihn immer noch. Et rappelle-toi, même dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples comme les disciples ont quitté Jésus-Christ à cause des paroles dures. Praise the Lord. Alleluia. In Christ's world, we are to love correction. In der Welt von Christus, learn to love so it, to wir love lieben. It, to love it. Et dans le monde du Christ, tu as commencé à aimer la correction, parce que la correction, ça fait une grande partie de la vie chrétienne. You know, the natural man will hate you. Der natürliche Mensch wird dich hassen, wenn du dich für Jesus entscheidest. Les gens vont te détester quand tu choisis Jésus-Christ. Even those that pray the prayer of salvation, that does not mean they are non-natural people. Selbst die Leute, die das Gebet der Rettung sprechen, das heißt, dass sie keine natürlichen Leute sind. Même les gens qui ont prié la prière du salut, ça ne veut dire pas qu'ils sont pas aussi des gens naturels. The natural people can never understand the things of Christ. Die natürlichen Leute können die Dinge von Christus nicht verstehen. Es ist unmöglich. Go to 1 Corinthians 2. Parce que les êtres humains naturels sont jamais capables à comprendre les choses du Christ. Praise the Lord. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. Verse 14. 14. Verse 14. It says, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 14. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Are we there, please? To be natural does not mean you are not born again. Natürlich zu sein bedeutet nicht, dass du nicht wiedergeboren bist. Être naturel, ça ne veut dire pas que tu n'es pas né de nouveau. A lot are born again, but they are still natural people. Viele sind wiedergeboren, aber immer noch natürliche Menschen. Il y a beaucoup qui sont nés de nouveau, mais sont seulement naturels. Their spirit is supernatural, but their mind is natural. Ihr Geist ist übernatürlich, aber ihre Seele ist noch natürlich. Leur esprit sont surnaturels, mais leurs pensées sont naturelles. Their spirit is alive, but their soul is dead. Ihr Geist ist lebendig, aber ihre Seele ist tot. L'esprit est vivant, mais l'âme est mort. Their spirit is spirit, but their mind is flesh and blood. Ihr Geist ist Geist, aber ihre Seele ist Fleisch. Leur esprit est sont vivants, mais leur âme et pensée sont charnel. Their spirits are born again, but their mind are not saved. Ihr Geist ist wiedergeboren, aber ihre Seele sind nicht gerettet. Leur esprit sont nés de nouveau et sauvés, mais leurs pensées sont charnelles et puis ils n'ont pas renouvelé leurs pensées. Philippiens 2. Philippiens 2. Praise the Lord. Philippiens 2. Philippiens 2. Amen. Amen. You know, Satan is not even threatening if you are born again. If your spirit is saved, but your soul is not saved. Der Teufel fühlt sich nicht davon bedroht, wenn du wiedergeboren bist. Et le diable n'a pas peur si tu es né de nouveau. He knows that he can still fight you through your soul. Und er weiß, dass er dich immer noch mit deinen Gedanken auseinandernehmen kann. Parce qu'il sait qu'il peut commencer à te combattre à travers tes pensées. Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2. Vers 12. Verset 12. He said, wherefore, my beloved? You see the name, we call them my beloved. Who are all my beloved? Is that all my your children, we are Kinder one Gottes. Another beloved. Wir sind einander geliebt. Amen. Ici, on a, Paul nous appelle amis très chers. C'est comme ça aussi, nous sommes des amis très chers l'un les autres. It's not calling one person your beloved, but it's everybody. Nicht Amen. Nur eine Person, sondern wow, alle. You know, I called all of you my chers, my chers. Euch alle war meine Schätze. Amen. Vous êtes tous mes amis très chers. Je n'appelle pas seulement une personne ami très chère. Praise the Lord. Amen. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Amen. Amen. Verset 12, c'est pourquoi, amis très chers, obéissez à Dieu comme vous l'avez toujours fait. Obéissez-lui non seulement quand je suis là, mais encore plus maintenant que je suis absent, avec un grand respect pour Dieu et en tremblant à travailler pour être sauvé. I have three things here. One, my beloved, what he called us. Il y a trois choses. Einmal die Geliebten, dass er uns Geliebte nennt. Il y a trois choses importantes ici. D'abord, qu'il nous appelle amis très chers. Amen. Amen. And two, what we say and do. Our action and reaction before God's children and when God's children are not there. Der zweite Teil ist, wie wir uns verhalten in der Gegenwart von Kindern Gottes und in der Gegenwart, when they are not there, wenn when sie you nicht are da alone. Sind, wenn du alleine bist. Et deuxième, ton comportement quand tu es entouré avec des enfants de Dieu ou bien quand tu es toute seule. Number three, he said, work out your salvation. The salvation of your spirit, let it come to your mind, your soul. Und der dritte Punkt ist, du sollst deine Errettung verwirklichen. Der Heilige Geist braucht deine Kooperation, weil zwingt dich nicht. Le troisième aspect est que tu dois travailler pour être sauvé, pour que tu renouvelles aussi tes pensées pour être sauvé. He said, how you live before God's children, even now when they are not there, live that life also. Don't live in double life. Lebe kein Doppelleben. Are you getting unter Kindern dieser Welt. Et Paul nous dit, c'est la façon comme on vit, si nous sommes toutes seules ou bien entourées des enfants de Dieu, c'est comme ça on doit aussi vivre si nous sommes toutes seules. On ne doit pas vivre une vie double. Do you know why? Double face. Amen. Do you know why? Because you are not light and darkness, you are light. Weil du bist nicht Licht und Finsternis, du bist nur das Licht. Amen. Parce que tu es la lumière, pas la lumière et le ténèbre. Obey Christ in both God's children's present and in their absent. Obey the voice of Christ. Remind yourself, remember the voice of Christ. In der Gegenwart und in der Abwesenheit von Kindern Gottes. Si tu, la présence des enfants de Dieu, c'est tu dois obéir aux paroles de Dieu même si tu es toute seule, bien, tu n'as pas la présence des enfants de Dieu. If God's children are there or not, Christ is always there to forsake. Même si les enfants de Dieu sont présents ou pas, Jésus-Christ est toujours avec toi. Praise the Lord. Hallelujah. Then they see. He said, "Work out your salvation." Work out your own salvation with fear and trembling. Der dritte Punkt: Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Et le troisième aspect, c'est avec un grand respect pour Dieu et en tremblant travailler pour être sauvé. Fear and trembling means let it be your focus. Furcht und Zittern bedeutet, dass das dein Fokus sein soll. Trembler puis avoir peur, ça veut dire seulement que ta concentration est sur Jésus-Christ. Allow your salvation in your spirit to come to your mind. Das zulassen, dass diese Rettung deinem Geist auch in deinen Gedanken ist. Et puis laisse aussi que permet que le salut qui est dans ton esprit, ça vienne aussi dans tes pensées. Allow your salvation to come to your soul. Allow Christ to come to your mind. Dass er in deinen Gedanken ist. Tu dois permettre que Jésus-Christ vienne aussi dans tes pensées. Spirit, soul, Geist, and body. Seele und Körper. L'esprit, l'âme et puis le corps. The real you is the spirit. Das wahre du bist ist der Geist. Le vrai toi c'est ton esprit. But you have a soul. Et du hast eine Seele. Mais tu as un âme. And you live in a body which Wir is called Körper, exosuit. Dieser irdische Anzug. Mais tu vis dans un corps, c'est ça, c'est comme une veste. Your body is not who you are. That is why it doesn't matter black or red. Dein Körper ist nicht das, was I don't know if somebody is getting it. Egal, ob du do not fight because schwarz, of color. Weiß oder grün gestreift bist. Tu n'es pas ton corps, c'est pour ça c'est pas important si tu es une femme, un homme ou bien tu es noir ou blanc. Tu es ton esprit. Deswegen kämpfen wir nicht um Hautfarbe oder für Hautfarben. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The real you is your spirit that never dies, even if you is not saved. Du ist dein Geist, der niemals stirbt, auch wenn er nicht errettet wäre. It's going to live forever, that's your spirit. Amen. In hell or in heaven. Oui, ton identité, personnalité, c'est ton esprit, puis ça, ton esprit ne meurt jamais. Amen. Amen. Même si tu es sauvé ou pas sauvé. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you can't be born again and you are unsaved. Du kannst wiedergeboren zu sein und nicht gerettet. Tu peux être né de nouveau mais pas sauvé. It is not only the natural people, or the people that are not saved that are the unsaved. Nicht nur die natürlichen Leute gehören zu den Leuten, die nicht errettet sind. Pas seulement les gens qui ne sont pas nés de nouveau sont perdus, mais aussi quand tu es né de nouveau, tu peux être aussi perdu. For them, their spirits, you know, their spirits are dead, and their soul are dead. But for you, you can't. Your spirit can be life, and your soul dead. Aber du kannst einen lebendigen Geist haben, aber eine tote Seele. I don't know how you get in it. Their soul. Pour les gens naturels, par exemple, leur esprit sont morts, et puis même eux-mêmes aussi sont morts. L'âme et les pensées sont morts. Mais toi-même, tu es né de nouveau, ça veut dire ton esprit est vivant, mais tes pensées et ton âme sont morts. For them, Christ is not in their spirit. It's in your spirit. But if your soul, if Christ is not in your soul, you will live a dead life. Und für die Ungläubigen, Christus ist nicht in ihrem Geist, deswegen sind sie tot. Aber für dich, Christus ist zwar in deinem Geist, aber deine Seele ist tot und deswegen wirst du auch ein totes Leben führen. Et pour les gens naturels, ils n'ont pas Christ dans leur esprit. Mais toi, tu as le Christ dans ton esprit, mais si tu n'as pas renouvelé tes pensées, là tu vis une vie mort. They are not only the natural people. If your soul is not saved, you are a natural man. You live a natural life. Seele nicht errettet ist, wirst du ein natürliches Leben führen. Et si ton âme est pas sauvée, là tu vas vivre une vie naturelle et puis mort aussi. If you still have a dead soul, Though your spirit is Christ, you are also a natural man. Wenn du eine tote Seele hast, obwohl dein Geist Christus ist, bist du dennoch ein natürlicher Mensch. Si par exemple ton âme est mort et pas renouvelée, bien que ton esprit soit sauvé, tu es une personne naturelle. Your dead soul will always work against you. Deine tote Seele wird immer wieder gegen dich arbeiten. Parce que ton âme mort va continuer à travailler contre toi. Amen. Satan will be active in your dead soul. Der Teufel wird aktiv sein. Because he will control your joy, your peace. Weil deine Freude, you will always be afraid of things. You know what they see, you see them. Du wirst das sehen, was sie sehen. You never see Christ. Du wirst nicht Christus sehen können. Because you have a dead soul. Weil du eine tote Seele hast. Et si tes pensées ne sont pas renouvelées, là c'est là où tu donnes l'accès au diable pour qu'il contrôle ta joie, ta paix, et c'est comme ça aussi ton âme est mort. You know, born again, the day you receive Jesus Christ as your Lord and your Savior, you know, Christ is now inside your spirit. And that very day is supposed to be the day that you see the manifestation of everything in your life. The victory, everything. But your soul blocked the victory. An dem Tag, because he's still the old man. Jesus Christus hat seinen Herrn und Retter akzeptiert hast. Somebody getting it? An dem Tag wurde dein Geist komplett erneuert und dein Geist ist jetzt Jesus Christus. Und eigentlich sollte jetzt alles, was Jesus Christus ist, sich in deinem Leben manifestieren. Na, alles, was wofür Jesus Christus steht, alles, was er mit sich bringt. Aber das ist nicht der Fall, weil deine Seele immer noch unerneuert ist und diese ganzen Dinge, die in deinem Geist sind, durch deine Seele sich nur manifestieren können. Normalement, au moment où tu as été né de nouveau, il fallait c'est là où tu vois la manifestation de ton salut. Mais le problème est que parce que ton âme est morte, c'est là parce que tu n'as pas la victoire, c'est là pourquoi tu ne vois pas la manifestation du Christ dans ta vie. A dead soul means a renewed mind. Eine tote Seele meint unerneuerte Gedanken. Et un âme mort, c'est une unerneuerte Gedanken. Des pensées ne sont pas renouvelées. A mind that is still natural. Gedanken, die noch natürlich sind. Des pensées qui sont seulement naturelles. Your spirit is supernatural. Dein Geist ist übernatürlich, wenn du wiedergeboren bist. Ton esprit est surnaturel si tu es né de nouveau. Until Christ come to your soul, your mind, you will live a natural life. Mm-hmm. Erst wenn Christus in deine Seele kommt, sonst wirst du ein natürliches Leben führen. Jusqu'à ce que le Christ vienne dans tes pensées, tu vas continuer à vivre une vie naturelle. And that's why you know God's children. You know you can't be born again and still be stealing, lying, or doing all those things. Why? Because your soul, the old program is still there. It's how to steal, how to lie. It's controlling you. It's controlling your life. Christ is not there. Until Christ comes there. Once you allow Christ to come there, it's over with darkness. Amen. Und deswegen bist du dann wiedergeboren, aber immer noch hast du immer noch diesen Durst zu stehlen, den Durst zu lügen, den Durst Unzucht zu betreiben, Sünde zu tun, all das zu machen, weil deine Seele eben noch nicht erneuert ist, ne? Und wenn Christus, aber wenn du Christus in deine Seele zulässt, wenn du das Wort Gottes nimmst, um deine Gedanken zu erneuern, um das auszutauschen, was das vorherige Programm, womit du vorher rumgelaufen bist, erneuerst, dann wirst du auch das Leben führen, was Christus für dich hat. Sonst wirst du so leben, wie du die ganzen Jahre zuvor gelebt hast. La raison pour laquelle tu es capable à voler, à mentir, à faire la fornication, bien que tu es sauvé, c'est parce que tu n'as pas renouvelé ton esprit, c'est parce que ton âme est morte. Mais jusqu'à ce que tu as laissé le Christ entrer dans tes pensées, c'est là où tu vas voir un changement dans ta vie pour que la manifestation du Christ entre dans ta vie. Là, tu vas aussi arrêter directement de mentir, de voler et de faire d'autres choses. Your spirit is supernatural, but your mind is natural. Dein Geist ist ein übernatürlicher, aber deine Seele ist natürlich. Ton esprit est surnaturel, mais tes pensées, ton âme sont naturelles. Until you work out your salvation, it will remain natural. Also, wenn wir unsere Errettung nicht verwirklichen, werden unsere Gedanken gegen uns arbeiten. Ça veut dire quand tu ne travailles pas pour être sauvé pour ton salut, tes pensées et ton âme vont continuer à travailler contre toi. The natural mind also means carnal mind. Die natürlichen Gedanken, die fleischlichen Gedanken. Look at Romans 8. Let us see what carnal mind means. Römer 8. Et les pensées naturelles sont aussi les pensées charnelles. On va lire Romains 8. Verse 6. Amen. Verse 6. Amen. He said, "For to be carnally minded is dead." Are you getting? Geistig, fleischlich gesinnt zu sein ist tot. Quand être charnel c'est la mort. Though your spirit is life, but your soul is a dead soul. Your mind is a dead mind. Obwohl dein Geist nicht dead. Dead. Ist deine Seele tot. Und deswegen siehst du auch den Tod. Erfährst du auch den Tod. Bien que ton esprit soit sauvé, tes pensées sont charnelles. C'est ça pourquoi tu fais l'expérience de la mort. Tout ce que tu fais, c'est connecté avec la mort ou avec le ténèbre. Praise the Lord. Amen. Amen. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Mm-hmm. If you allow Christ to come into your mind, it's life and peace. The Christ that is already in your spirit. Ist das Leben und Frieden. Verset 6. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Are you getting something here? Amen. Amen. You know, just like the unsaved, their spirits are dead. So also you, your renewed mind is a dead mind until you allow what you have in your spirit to come there. Genauso wie der Geist. That's why you come to the church. Der Geist der Ungläubigen tot ist. To know what you have in your spirit. Deine all this message you already tot, have them in your wenn spirit. Du deine Gedanken have nicht mit dem Wort Gottes erneuerst. Und das ist auch der Grund, weshalb wir in die Gemeinde gehen, um unsere Gedanken zu erneuern, weil unsere Gedanken müssen eben mit dieser Wahrheit, die wir hören, gefüllt werden. Si tu es né de nouveau, tu es dans ton esprit, tu es vivant. Mais le problème sont tes pensées qui ne sont pas renouvelées. C'est pourquoi si tu viens dans l'église, pour que tu écoutes la parole de Dieu et puis pour que tout ce que tu as dans ton esprit vienne aussi maintenant dans tes pensées, pour que tu changes aussi complètement ta nature dans tes pensées. The life of Christ is already in your spirit if you are saved, if you are born again. Das Leben von Christus ist schon in deinem Geist, wenn du wiedergeboren bist. Et le Christ est déjà dans ton esprit si tu es né de nouveau. The message that is being preached here is already, you already have them in your spirit if you are really saved. Die Botschaft, die hier gebracht wird, ist schon in deinem Geist, wenn du wirklich errettet bist. Aber sie ist nicht in deiner Seele, wenn du nicht deine Gedanken erneuerst mit dem Wort Gottes. Et le message que je prêche, ou bien en général la parole de Dieu, tout c'est déjà dans ton esprit parce que tu es né de nouveau. Mais le problème est que ton âme est morte et c'est pourquoi tu as besoin maintenant de venir à l'église pour que tout ce qui est dans ton esprit, ça sorte pour que ça vienne dans ton âme. A pastor can still steal, kill and destroy if he or she have a renewed mind. Ein Pastor kann immer noch dazu in der Lage sein, zu stehlen und töten und zerstören, wenn seine Gedanken no pastors nicht erneuert are sind. Today. Not very many. Un pasteur est capable. It's just so. Un pasteur est capable à voler si, par exemple, il n'a pas renouvelé ses pensées. Mm. Aujourd'hui, il y a des pasteurs partout qui volent, qui détruisent, qui tuent, qui mentent, qui... Oui. Parce que ses pensées ne sont pas renouvelées. Il y a beaucoup de pasteurs, et ces pasteurs sont tous wahrscheinlich wiedergeboren. Aber wenn sie ihre Gedanken nicht erneuern, werden sie genauso wie der Satan rumlaufen und ihre Werke tun. Amen. Amen. You are either carnally minded or you are spiritually minded. Wir sind entweder fleischlich gesinnt oder geistlich gesinnt. Wir müssen uns entscheiden. Soit tes pensées sont charnelles ou tes pensées sont spirituelles à travers du Saint-Esprit. Doctors report they are carnal. Ärzteberichte sind fleischlich. They cannot see the flesh, they cannot see your spirit. Your spirit is who you are. Nur dein Fleisch sehen, aber nicht dein Geist. Amen. Les, par exemple, les résultats du docteur sont charnels parce que le docteur ne peut pas voir ton esprit, il voit seulement ton corps. That's why your healing comes from inside and not from outside. Mm. Don't know somebody's getting it. Et c'est pourquoi ta guérison. Et c'est pourquoi la, ta guérison vient de l'intérieur et pas d'extérieur. Amen. Amen. Troisième Jean. Amen. Amen. The doctor's report is always is carnal because it's all about the body. The real you is your spirit, and if you can know that and meditate on that, that the Christ in you is your real you, then you are, that problem is over with it. Amen. Aber wenn du glaubst, dass dein wahres Du und der Geist ist, dann ist das Problem vorbei. Oh, verse 2. Amen. Verse, well, we'll do 1 and 2. 1 or 2 is okay. Or just 2. Verse 3, just 2. Amen. 3 Jean 1. He said, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. Prosper, you know, to be in good health, to be healed is not coming from outside. Gesundheit kommt nicht it's von außen, from inside, from innen. Your spirit that is already saved. Von deinem Geist, der schon errettet ist. On the Christ in you. He is your healer. Verset 2 dit... The tablet is not your healer. Amen. Verset 2. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne, je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Ici, ça montre que ta santé, ça vient de l'intérieur à travers du Christ et pas à travers de l'extérieur, comme par exemple les médicaments. Tu es sauvé et guéri par le Saint-Esprit. He said, you prosper and be in good health as your soul prospereth. Your soul prosper to have wealth, to prosper, prosperity, then to be in good health. They are coming from your soul. They are coming from your spirit. They come into your soul. Then your body have no voice. Must obey. Das Wohlergehen und die Gesundheit, die finanzielle, dein finanzielles Wohlergehen und deine Gesundheit kommt von deinem Geist in deine Seele. Und dann kann dein Körper sozusagen nichts dazu sagen. Ta bonne santé et la situation financière et tout dans ta vie, ça vient à travers du Christ en toi et puis pas à travers l'extérieur. Your school result, your school report is carnal. That's not who you are. I don't know if somebody's getting it. That's why, you know, Jesus did not go to university. You know, Joseph did not go to, you know, just look at them. David, look at them. Even Paul that was there said this shit. Deswegen sind deine Zeugnisse, deine Ausbildung, all das ist auch fleischlich, das ist nicht dein Nichts über deinen Geist aus. Und wir sehen das auch im Leben von Josef, von Jesus, ja, von Jesus und von anderen, dass sie eben nicht dieser schulischen Bildung hinterhergejagt sind, sondern eher Christus hinterhergejagt sind, weil alles andere für sie Mist war im Vergleich zu Jesus Christus. Et c'est pourquoi aussi tes résultats de l'école ou bien de l'université sont tous charnels. Et c'est pourquoi on a vu que Jésus-Christ a jamais été à l'université ou bien il n'a pas aussi suivi l'éducation parce qu'il a vu que tout ça c'est charnel et puis ça ne va pas aussi t'amener vers Jésus-Christ mais ça va t'amener au monde. Et puis c'est là où la séparation est entre l'esprit et la chair. The Christ is in you is who you are. And not your school report result. The earlier you know that, the better for you. Ton identité, c'est ton Christ en toi et pas tes résultats de l'université. Et puis tu dois le savoir aussi bien avant. That job is carnal. It's not your source. Your source is the spiritual world. This is Christ. Deine Quelle ist Jesus Christus, his Geist. Et ta source aussi, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton école, mais c'est Jésus-Christ, c'est dans, au monde spirituel où tu as ton, ta source. He said, to be carnally minded is death. You can see the reason why you keep on having death. Because your mind is carnal. It's all about the doctor's report. It's all about your school result. It's all about your salary. God, children, we don't depend on salary. We depend on Christ. Amen. Deswegen ist auch unser Leben so fleischlich, weil unsere Gedanken so fleischlich sind. The natural world, yeah, that is their system. Wir achten all diese fleischlichen Sachen, unsere fleischliche Gesundheit, unser fleischliches Einkommen, unsere fleischliche Bewertung von der Schule, von all diesen Sachen. All das ist uns immer noch so wichtig und kontrolliert immer noch unsere Identität. Aber Christus ist unsere Identität. Et la raison pour laquelle tes pensées ne sont pas renouvelées, c'est parce que tu tiens aux choses charnelles, comme par exemple ton salaire ou bien tes notes, tout, c'est, toutes les choses naturelles sont dans tes pensées. Et c'est pourquoi aussi tu es en train de vivre la mort et puis le ténèbre dans ta vie. Tu ne vois pas de changement parce que ta concentration est sur la chair et pas sur l'esprit. Praise the Lord. Amen. We just read what Jesus said. He said, you are in this world, but not of this world. John 15. Aber nicht von dieser Welt. Johannes 15 lesen wir das. Et Jean 15 nous dit que nous sommes au monde, mais nous sommes pas du monde. If you belong here, you are going to be carnal. Wenn wir hierhin gehören, werden wir fleischlich sein. Parce que si tu appartiens au monde, tu vas être charnel. You know, my sister, years ago, you always to know when she phoned me, the school result, the children. I just said, why are you so carnal? Because daddy, he's not a because he was so worried. I wanted to go to university, I wanted to do Jesus. I'm a child of God. Why don't you know the system? Learn and know the system of Christ. The system of Christ is Christ alone. Das System von Christus ist Christus. So be spiritually minded. Allein, und deswegen sollen wir halt geistlich gesinnt sein, Christus gesinnt sein, und nicht nach diesen ganzen fleischlichen Sachen streben, nach Erfolg, nach Bildung, nach all diesen Dingen. Un jour, ma soeur m'a appelé, puis il a dit que oh, j'ai des problèmes parce que mes enfants n'ont pas de bons résultats à l'école. Après, je lui ai répondu, pourquoi tu es tellement charnel? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Let us quickly put something here. We are coming here again. Amen. Amen. Let us go to 1 Corinthians 3:3. 1 Corinthians 3:3. Let us see example of a carnal man. Schauen wir uns ein Beispiel einer fleischlichen Gesinnung an. On va voir un exemple d'un pensée charnelle. We don't fight with anybody. Wir kämpfen nicht mit Leuten. On se bat pas avec des gens. 1 Corinthians 3:3. Amen. Amen. If you are yet can't look, are we there, please? No, I'm not there. Okay. Praise the Lord. Amen. 1 Corinthians 3:3. 1 Corinthians 3:3. It says, for you are carnal, for where as there is among you envy and strife and division, are you not carnal and walk as men? You see. Verset 3, parce que vous êtes encore faible. En effet, parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas des gens faibles? Est-ce que votre façon de vivre n'est pas encore bien humaine? If you are carnal, you fight one another. Wenn wir fleißig sind, werden wir einander bekämpfen. Si vous êtes charnel, vous allez avoir des disputes. If you allow your mind to be renewed by Christ, if somebody is even fighting, you will pray for that person because you know that that person is fighting Christ. Wenn du zulässt, dass deine no Gedanken one can fight Christ werden, and go free. Du wirst für Menschen beten, selbst wenn sie dich hassen. Du wirst für sie beten, weil du sagen wirst, vergib ihnen, Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, gegen wen sie kämpfen. Si tes pensées sont renouvelées et puis il y a une personne qui te combat, tu vas prier pour cette personne parce que tu comprends que c'est dangereux de combattre un enfant de Dieu. Au lieu de d'avoir des disputes avec les gens, tu vas commencer à prier pour eux. Parce que, comme Jésus-Christ a dit, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Praise the Lord. Alleluia. Can you see an example of a carnal mind? Seht ihr das Beispiel einer fleischlichen Gesinnung? Vous pouvez voir un exemple d'une pensée charnelle. Spiritually minded means a mind full of Christ. Geistlich gesinnt zu sein bedeutet eine Gesinnung, die voll von Christus ist. Amen. Amen. Avoir une pensée spirituelle, surnaturelle, ça veut dire être influencé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. A mind full of what Christ has done for him or her. Voll von dem, was Jesus getan hat. Tes pensées sont pleines de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. It's not about people fighting, it's about what Christ did for me. Es geht nicht darum, dass Leute mich bekämpfen, sondern was Christ für mich getan hat. Amen. C'est pas important ce que les gens ont fait dans ta vie, mais c'est important ce que Jésus-Christ a fait pour toi. A kind of mind, if your mind is full of what people are doing to you, you are going to fight back. Wenn deine Gedanken voll sind von dem, was Menschen dir angetan haben, strive envy. Wirst du zurückkämpfen. Et quand tes pensées sont pleines de ce que les gens t'ont fait, tu vas commencer aussi à te revenger aux gens. A mind full of Christ, or be spiritually minded. It's a mind that, you know, for you, it's all about what Jesus did for me. Hier geht's nur um das, was Jesus für dich getan hat. What he has done for me. Was er für dich getan hat. You are going to choose one. Is that you are going to be focused on people or you focus on Christ? Entweder bist du fokussiert auf Menschen. What they are doing to you, how they hate you, how they are fighting you. Is somebody getting it? What they have done to you? Mais quand tes pensées sont surnaturelles, tu vas te concentrer sur Jésus-Christ et puis voir ce qu'il a fait pour toi et pas ce que les gens t'ont. Tu vas pas voir des blessures intérieures. If your mind is full of what Jesus has done for you, you will have the fruit of the Spirit, God kind of love, God kind of joy, God kind of peace, God kind of everything. You'll be flowing. Wenn du deinen Fokus hast auf das, was Jesus Christus für dich getan hat, wirst du auch die Frucht des Geistes in deinem Leben sehen. Si tu as ton concentration sur ce que Jésus Christ a fait pour toi, là tu vas voir aussi des fruits de l'esprit. I'm talking about a mind full of Christ and not a mind full of religion. Ich meine Gedanken voll von Jesus und nicht Gedanken voll von Religion. Amen. Et je parle pas d'une pensée pleine de la religion, mais d'une pensée pleine de la vérité. Amen. Amen. Amen. A mind full of religion, we always see what he's doing for people. Gedanken voll von Religion werden immer what sehen, he or she is doing for people. That's a mind full of religion. Für Menschen tut. Und das ist religiös. Tu es dans la religion quand tu te vois toi-même, par exemple, ce que tu and fais pour les gens. Mais si tu es dans la vérité en Christ, là, tu vas voir ce que Jésus-Christ a fait pour toi. A mind full of Christ is a mind. You know, you think for you, it's all about what he did for you. Aber von Christus, how he loves you. Für mich getan, wie sehr mich Christus liebt. Et si tu as des pensées 26, en Christ, là, c'est là où tu vas voir this? Ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Amen. Isaïe 26. Praise the Lord. Amen. Amen. Isaiah 26, verse 3. It's very popular. Isaïe for us, amen. We 26, go here all the time. Verset 3. Look at it here. He said, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon on thee, because he trusted in thee. Isaiah 26, verse 3. Isaiah 26, verse 3. Isaiah 26, verset 3. Il ne se laisse troubler par rien, Seigneur. Tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi. A mind that is full of Christ, we always have peace. Amen. Si tes pensées sont pleines de Christ, tu vas avoir la paix. A mind that meditates on the love of Christ for him, we always have peace. Gedanken, die über das, was Christus für ihn getan hat, nachsinnen, werden immer Frieden haben. Si des pensées qui réfléchissent toujours à l'amour de Jésus-Christ ont toujours la paix. Praise the Lord. Hallelujah. Peace does not come by prayer. Frieden kommt nicht durch Gebet. La paix ne vient pas à travers la prière. Amen. It depends on what your mind is full of. Es kommt darauf an, wovon deine Gedanken voll sind. Ça dépend de ce qui te ça dépend de tes pensées. A mind that is full of Christ and not a mind that is full of religion. And not a mind that is full of Moses. Und Gedanken, die nicht voll von Religion sind, sondern von Mose, sondern von Jesus. Des pensées renouvelées ne sont pas pleines de loi de Moïse. ou bien de la religion, mais de Jésus-Christ. Amen. You know a mind that is full of Moses. I don't want to steal, I don't want to lie, I don't want to... It's all about what you don't want to do. It should be what Jesus did for you. Gedanken, die voll sind vom mosaischen Gesetz, sind Gedanken, die immer davon voll sind, nicht zu stehlen, nicht zu töten, nicht zu klauen, nicht zu lügen. Anstatt ihren Fokus darauf zu haben, was Jesus Christus für sie getan hat. Tu peux reconnaître des pensées qui sont sous la loi à travers tes propres pensées. Donc si tu dis toujours que je ne veux pas voler, je ne veux pas mentir, ça montre que tu es sous la loi de Moïse et que tu n'es pas libre, tu n'es pas sous la grâce de Jésus-Christ. A mind that is full of Moses is a mind that is full of I don't want to make any mistake. Gedanken voll sind von Moses sind Gedanken, die voll sind von ich will keine Fehler machen. Les pensées qui sont pleines de Moïse sont des pensées qui disent que je veux pas faire de faute. Allow your mind to be full of what Jesus did for you. Lass du deine Gedanken voll sind von dem, was Jesus für dich getan hat. That's how to be spiritually minded. So bist du geistig gesund. Tu es surnaturel et puis concentré sur le Saint-Esprit si tu vois seulement ce que Jésus-Christ a fait pour toi et pas ce que toi-même tu fais. Before you don't read Bible, if you can remember his death for you, it's so wonderful. How he loved you when you were a sinner, how much more now? Selbst wenn du es nicht schaffst, die Bibel zu lesen, allein schon, dass du dich daran erinnerst, dass er dich geliebt hat, als du noch ein Sünder warst, was in Römer steht, das ist mehr als genug. Même si tu ne lis pas la Bible pour beaucoup de jours, tu dois seulement continuer à te rappeler à la mort de Jésus-Christ. Parce que c'est là où il t'a montré l'amour. Quand tu étais un pécheur, c'est là où il a choisi de t'aimer. Mais maintenant tu es un enfant de Dieu, ça veut dire son amour pour toi, c'est encore plus grand. You know, yeah, it did not say mind that is full of reading Bible. Hier steht nicht Gedanken, die voll sind davon, Bibel zu lesen. That we have peace. Wir werden Frieden haben. Il n'a pas dit que tu vas voir la paix si tu lis la Bible. C'est mind that is full of Christ. Ein Gedanken, die voll sind von Jesus. Von dem, was Jesus von getan hat. Meditate in it. How he loves you. It's not how you love him. How he loves you. Nicht wie sehr du ihn liebst, wie sehr er dich liebt. Because you don't even love him. Du liebst ihn nicht. Amen. Amen. Wir versuchen es. Our meditation should be how much he loves. Aber wir sollen lieber darüber nachdenken, he left wie sehr heaven er came uns here liebt. To die for you and me. Wenn er hat den Himmel There's verlassen no love für dich und mich zu sterben. Amen. Keine Liebe kommt daran. For you to come and die for people that hate you. Dass du für Leute stirbst, die dich like hassen. Okay. Can you get it? Amen. Da ton am es geht nicht darum, nicht wie sehr Gott liebt, sondern wie sehr Jesus dich geliebt hat. Sorry. Mein König. Il ne s'agit pas de ce que tu as fait pour Jésus-Christ, mais ce que Jésus-Christ a fait pour toi, parce que tu dois seulement voir l'amour de Jésus-Christ pour toi-même, parce que toi-même, tu n'es même pas capable à aimer Jésus-Christ comme il faut. Amen. Il nous a aimés tant qu'il est même venu du ciel pour mourir pour nous. Mm-hmm. Et ça nous fait voir combien il nous aime. Mais nous, on n'est pas capable d'avoir cet amour-là. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. The question is, what is your mind full of? Die Frage ist, wovon deine Gedanken voll? La question est, tes pensées sont entourées de quoi? Is your mind full of solving problems? Deine Gedanken voll davon? Not the system of this world. What you don't have, was I want to marry, I want to have children, I want to have money, haben, I want to have... Haben. It's all your mind is full of the love of Jesus for you. Oder sein Fokus auf you are going to Jesus. Choose one. Mm-hmm. One is life, the other one is death. Est-ce que tes pensées sont pleines de sauver des problèmes naturels? Par exemple, je veux marier, je veux avoir des enfants, je veux avoir l'argent. Si tes pensées sont pleines de choses charnelles, tu vas aussi avoir des résultats charnels. Mais au contraire, tu dois avoir maintenant tes pensées et ta concentration sur Jésus-Christ pour avoir des résultats surnaturels. You know, some of us, our mind is full of our children should marry, should do this, should do that, should do that. You know, allow your mind to be full of Christ. Einige von uns haben ihre Gedanken immer dabei, dass wir wollen, dass unsere Kinder heiraten, aber unsere Gedanken sollen auf Christus gerichtet sein. Amen. Is that? You are joking, you are playing with that. Dann spielen wir mit dem Tod. Et ça arrive aussi que parfois on pense que nos enfants ils sont maintenant âgés, et puis ils doivent marier. Mais quand tu penses charnel, tu joues aussi avec la mort. Instead of being worried that they are not married, be worried, you know, just say, Father, thank you that she is your daughter. You know how to take care of her. That's a mind that is full of Christ. Dann sag lieber Danke, dass diese Kinder deine Kinder sind. Amen. Amen. Au lieu d'avoir de soucis que tes enfants ne sont pas mariés, il faut avoir le souci qu'ils aient une relation avec Jésus-Christ et puis que tu dois aussi remercier Jésus-Christ qui sont des enfants de Dieu. You know, some of us, those with our children are even better than us because we are so worried. Full of worries about our children. Besser als die Leute mit Kindern, die sich die ganze Zeit Sorgen machen. Et je vois vraiment que c'est mieux de ne pas avoir des enfants parce que les gens ici parmi nous qui n'ont pas des enfants, ils n'ont pas aussi les mêmes soucis comme les gens qui ont des enfants. He said you are going to have peace if your mind is stayed on Christ and not on your children. Wenn unsere Gedanken auf Christus gerichtet sind und nicht auf unseren Kindern. Et la Bible nous dit que tu vas avoir la paix si ta concentration est sur Jésus-Christ et pas sur tes enfants. And that's how you have victory. Und so haben wir Christ. Et c'est comme ça que tu as la victoire dans le monde du Christ. Stop meditating on your children's problem. That should not be your meditation. Arrête de husband, wife. Arrête de te concentrer sur les problèmes de tes enfants ou bien de ton mari ou bien ta femme. Amen. Amen. You know, in Hebrew 11, verse 15, you know, just as I said, what is your mind full of? What do you meditate on? You know, he said Abraham's mind was not full of the past, of the country. Look at it, verse 15. And truly, if they had been mindful, to be mindful means his mind to be full. Hebräer 11:15. Ich habe gerade eben gefragt, wovon sind deine Gedanken voll? Abraham konnte es sich nicht leisten, seine Gedanken voll von der Vergangenheit zu haben, weil er sonst zurückgegangen wäre. On lit maintenant Hébreu 11, verset 15. Je viens de vous demander ce qui entoure tes pensées. Et puis ici aussi, Hébreu 11 nous donne l'exemple d'Abraham qui a été capable à quitter la famille naturelle. Et puis s'il voulait voir, par exemple, le passé ou bien il voulait regarder derrière, là, il ne pouvait pas être capable à continuer avec Dieu. If your mind is full of death, you can never have life. Wenn deine Gedanken voll sind von Tod, du wirst Leben nicht haben. Si tes pensées sont pleines de mort, tu ne vas pas être capable à vivre. And truly, if they had been mindful of the country from whence they came, temptation, until you think of it, you'll never be tempted by it. What is your mind full of? That's where temptation, that's where Satan goes. Die Versuchung kommt aus unseren Gedanken, da geht der Teufel durch. La tentation ne vient pas jusqu'à ce que tu penses aux tentations. C'est là où le diable a l'accès de traverser vers tes pensées et te tenter avec des choses différentes. Praise the Lord. You don't need to be worried about your children. Tu ne dois pas te faire de soucis avec tes enfants. Amen. Tu n'as pas besoin de te faire de soucis à cause des enfants. Amen. Amen. Amen. You know, in Hebrew 2, it says God's mind is full of your children. In Hebräer 2 steht, it's full of us. Sagt, Gott look at it. Hebrew 2, verse 6. Hebräer 2, Vers 6. Hebrew 2, verse 6. It says, but one in a certain place testifies, saying, what is man that thou art mindful of him? Or a son of man that thou visited him? Who is man that they occupy your mind? Your children occupy the mind of Christ. Amen. So you don't need to allow them to occupy your mind. Allow Christ to occupy your mind. Deine Kinder, I don't know how you get this something. Deine Kinder sind in den Gedanken des Herrn, deswegen brauchst du dir keine Gedanken, um deine Kinder zu machen. Hébreux 2, verset 6. En effet, il y a cette parole. Qu'est-ce que l'homme ou Dieu pour que tu penses à lui? Ici, ça montre que tu n'as pas besoin de te faire de soucis à cause de tes enfants, parce que Dieu, il pense déjà toujours à tes enfants et aussi à nous tous. He said, Christ's mind is full of us. Are you getting it? It's mindful of you. His mind is full of you. He think of you both day and night. Seine Gedanken sind voll von uns. Les pensées du Christ sont pleines de nous et puis il pense de nous chaque moment. Is somebody getting something here? Mm. Praise the Lord. Amen. Two people can, you know, he wants, you know, if we go to a store or let me say a supermarket to buy things, one is going to pay. If one pays, the other is free. Are you getting it? It's not two paying. You pay, then the other free. Jesus is thinking of them already. You don't need to think of them. Just thank Jesus for thinking of them. Amen. Die Rechnung wird nicht geteilt, sondern eine Person begleicht diese Rechnung. Das ist Jesus Christus. Allow Jesus to pay everything. Und genauso denkt Jesus Christus schon an deine Kinder. Deswegen musst du nicht an sie denken. Dank den Herrn einfach dafür, dass er an sie denkt. C'est comme ça aussi on peut donner l'exemple de la facture. La facture ne peut pas être partagée par deux personnes. Il y a toujours une personne qui paye cette facture. Et c'est comme ça aussi, comme avec nos soucis sur nos enfants. On ne peut pas se soucier à nos enfants au même moment où Dieu aussi pense à nos enfants. Donc c'est aussi comme ça que Dieu il s'occupe de nous tous et qu'on n'a pas besoin de nous faire de soucis. You know, Abraham did not return to the past because his mind was full of God. Abraham ist nicht zurück. What is your mind full of? Is it of Christ? Es ist voll war von der Vergangenheit. Aber von sind unsere Gedanken voll. Sind sie voll von Christus? La raison pour laquelle Abraham n'est pas rentré au passé est parce que ses pensées ont été remplies par Jésus-Christ, par Dieu. You know, here in the natural world, there are a lot of problems everywhere. How to solve this, how to do this, how to do this, how to do this. Amen. Il y a so busy. Au monde naturel, il y a beaucoup de problèmes que nous avons ici pour que nous résoudre. Wir sind so beschäftigt. Nous sommes occupés. Allow Christ to be busy for you, your Father. Dass Christus beschäftigt ist für dich. Permet que tu es que ton père est occupé pour toi. Proverbs 26 verse 11 and 2 Peter 2 verse 22. It said a dog turned to his vomit. Amen. 2. Petrus 22 steht, dass ein Hund wieder zurück zu seinem Erbrochenen geht. Et la Bible nous dit que un chien. Don't go back to the world. La Bible nous dit qu'un chien rentre à ce qu'il a vomi. Praise the Lord. Amen. In Romans 8, verse 7, it said, an unrenewed mind is an enemy of Christ. Look at it. Amen. Romans 8, verse 7. Romans 8, verse 7. I read that, please. It's an enemy of Christ. Because the carnal mind is enmity against Christ, against God. You see that? Mm-hmm. But it is not subject to the law of God. Neither indeed can be. A carnal mind. A mind that is full of the flesh. Gedanken of the natural. Mm-hmm. Of you. Voll mind is full of you. Verset 7. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Ici, ça montre que les désirs humains sont toujours charnels et puis sont toujours des pensées qui ne sont pas renouvelées. Et si tes pensées ne sont pas renouvelées, tes pensées sont directement aussi contre le vrai Dieu. Praise the Lord. An unrenewed mind is an enemy of Christ. Unnatürliche Gedanken sind Feinde Gott, Feinde von Christus. Tes pensées qui ne sont pas renouvelées sont des ennemis de Dieu. Pourquoi? Because it always refuses to bow before Christ. Weil diese Gedanken sich weigern, sich Christus hinzugeben. Parce que tes pensées refusent à se soumettre à Dieu. It is a mind that is full of himself. Es sind Gedanken, die full of self. Von ihm selbst. Parce que tes pensées qui ne sont pas renouvelées sont remplies de toi-même. Full of pride. Voll von Stolz. Et remplies de fierté. It's always about what they said. Es geht immer um das, was sie gesagt haben. And never what Jesus said. Nicht das, was Jesus gesagt hat. Et il s'agit toujours de ce que les gens ont dit, pas ce que Jésus-Christ a dit. You know how they said it, how they correct me, how what they say. It's always about them. Why don't you make it to be Jesus? Es geht immer sie, aber wieso geht Christ. Es Jesus Christus? Satan will run. Once he come to Christ. Dann wird Satan fliehen, wenn es Christus geht. Are you getting something here? Si tes pensées sont pas renouvelées, là tu vas toujours te demander pourquoi on m'a corrigé à cette façon, pourquoi on a dit ça comme ça ou bien ceci. Mais si tu te concentres à Jésus-Christ puis la façon comment il te traite, là, toutes les choses là ne vont pas être importantes pour toi. You know, the book of Proverbs, Proverbs, it says, six things God hates, one of which is pride. Und eins davon ist das Selbst. Das, was Menschen dir antun. Proverbe nous montre qu'il y a six choses que Dieu déteste. Proverbe nous dit qu'il y a six choses que Dieu déteste. Et puis parmi ces choses, c'est la fierté et puis que tu te vois toujours toi-même. Das ist nicht das Leben der Radikalen. C'est pas la vie des gens radicaux. If you remember David, you know, we read it the other day. You know, David. You know, his brother was, you know, said, what are you doing here? You know, his mind supposed to be full of what his brother said, but he turned and see what God said. I don't know if you get it. Learn to turn so fast to voll sein können von dem, was seine Brüder von ihm halten, nämlich nichts. Aber seine Gedanken waren nicht voll davon. Er hat sich weggedreht von der Verurteilung und der Beschuldigung seiner Brüder und hat sich der Aufgabe des Herrn gewidmet. L'autre fois aussi, on a lu l'exemple de David où son frère l'a tenté, mais au lieu de réagir dans la chair, David s'est tourné, puis il n'a pas réagi à ce que son frère a dit, puis c'est comme ça que nous devons réagir. Donc, on ne se concentre pas aux condamnations de nos frères et sœurs, mais on voit seulement Jésus-Christ. You know, he did not spend time with what his brother said. You know, just stop spending time with what people are saying against you, saying about you, how they speak, how they see you, what they are thinking. Is that your business? Your father is your business, not them. Auch deine Zeit damit zu vergeuden, was Leute über dich denken, wie Leute dich sehen. Deine Aufgabe ist es, über das nachzusehen, was der Herr für dich getan hat. Et puis, comme enfant de Dieu, tu dois arrêter de penser de ce que les gens pensent de toi, ou bien comment ils te traitent, ou bien ce qu'ils disent, parce que ce n'est pas vraiment important. Pour toi, c'est important comment Jésus-Christ, qui est ton Père, te voit et puis comment il te traite. Amen. Amen. No, James 4:6, il dit, God resists the proud, but give grace to the humble. Those that are full of themselves, God. You are fighting against God. Stolzen you are fighting against Christ. Aber Gnade den Demütigen. And Christ is even against you. Jacques 4:6 nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il est bon pour les petits, pour les humbles. You know how you are full of yourself. Your mind is full of your children. Huh? You know what you are going through. The problem. You know how your problem is going to be solved. The one that is not married. How is he going to marry? Your mind is so full of self. It might not be you, it might be your children, it might be your husband that your mind is full of. Your mind is carnal and is dead. Mm. Allow your mind to be full of what Jesus have done for you and them. Deine Gedanken sind Fleisch, ob sie voll sind von deinen eigenen Problemen oder von den Problemen deiner Mitmenschen. Is somebody getting it? Tes pensées sont charnelles si tes pensées sont remplies de toi-même. Et si ce n'est pas de toi-même, tu penses toujours à tes enfants ou bien à ton mari ou bien de ton travail. Tout ça, c'est charnel, puis c'est toujours connecté avec le soi. He said, God resists the proud. The proud are not only that your mind is full of yourself. It can be full of your children. It can be full of your wife. It can be full of your husband. What it means is that your mind is not full of Christ. Once it's full of something outside Christ, you're somebody that is so proud. It's all about you. Diese stolzen full of Gedanken yourself. Sind die Gedanken, die voll sind vom Fleisch, vom Selbst. Und ob es das Selbst ist in Form von deinen eigenen Problemen, deinen eigenen Sachen oder in Form von den Problemen der Leute, die um dich herum sind und was die Leute, die um dich herum sind, in ihrem Leben haben. Die Pensées sont charnelles. S'ils sont remplis de choses naturelles, comme je viens de dire, de ton mari, de tes enfants, de toi-même. Et c'est là où tu bloques aussi d'être rempli de Jésus-Christ, parce que tu ne peux pas être rempli par tes choses charnelles et puis par Jésus-Christ. Renew your mind with Christ. Erneuere deine Gedanken mit Christus. Tu dois renouveler tes pensées avec Jésus-Christ. Change the way you think. Amen. Stop thinking about. Don't just stop allowing your mind to be full of death. Allow it to be full of Christ. Denke über, lass zu, Christ is your victory. Amen. Tu dois changer ta manière de penser et c'est comme ça tu auras aussi la victoire à travers du Christ. Look at Romans 8 verse 8 this time. Romains 8 verse 8. A renewed mind cannot please God. Unerneute Gedanken können Gott nicht gefallen. Romains 8 verset 8, des pensées qui ne sont pas renouvelées ne peuvent pas plaire Dieu. Amen. Amen. You know Jesus said I do all that. So I said he said I do always what please my Father. Jesus, amen. Ich tue allzeit das, was meinem Vater gefällt. What pleases? Was ihm gefällt. Jesus Christ a dit qu'il fait toujours des choses qui plaisent à Dieu. He says, so then, they that are in the flesh cannot please God. Wie die beim Fleisch how to please Christ is allow him to be allow him to occupy your mind. Aber wie gefallen wir Christus, indem Christus in unseren Gedanken ist? Romains 8, verset 8. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Stop thinking of those problems. Hör auf, über diese Probleme nachzudenken. Arrête de penser de tes problèmes. Praise the Lord. Amen. Amen. Because on renewed mind we see himself and not Christ. Denn unerneute Gedanken werden dich selbst sehen und nicht Christus. And he's dead. Das ist tot. Tes pensées ne sont pas renouvelées quand tu penses seulement de toi-même. Tu te mets au centre de ta vie au lieu de mettre Jésus-Christ au centre de ta vie. Verse 9. It's a be, but you are not of the flesh. You are not of the flesh if you keep on seeing what Christ did for you. Wenn ihr weiterhin das seht, was Christus für euch getan that's hat. That's how to get out of the flesh. Sind wir raus aus dem see what Christ did for you. Sieh auf das, was Christus für euch getan hat. Verset 9, on nous dit que tu vas sortir de la chair si tu vois ce que Jésus-Christ a fait pour toi. And not what people are doing to you. Et, nicht das, was Leute dir antun. Et pas ce que les gens te font. Those people did not die for you. Diese Leute sind nicht für dich gestorben. Parce que les gens ne sont pas morts pour toi. Who died for you. Schau auf die Person, die für dich gestorben ist. Concentre toi à ce qui est mort pour toi. Allow the Christ in your spirit to come to your mind. Dass du das Christus in deinem Geist in deine Gedanken kommt. Et puis permet que Jésus-Christ qui est dans ton esprit vient maintenant aussi dans ton âme. Maybe we have to, I don't know. Yeah, I still have some few things here. I don't know. The time has gone. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. A kind of mind, we always see the love of Christ as punishment, hatred, and bitterness towards him. Werden die Liebe von Christus immer als fleischlich sehen? Werden die Liebe als Christus immer als Hass sehen? La chair va voir toujours l'amour de Jésus-Christ comme la haine contre une personne ou bien, oui, la haine. Amen. Amen. Because for him, it is all about him and not Christ at all. That's für a kind of mind. Es geht nur um ihn und nicht um Christus. Parce que entre une pensée charnelle et une personne qui se voit soi-même, coming to Christ must be about Christ and not about you. Wenn du zu Christus kommen musst, um Christus gehen und nicht um dich. Ça veut dire quand tu viens vers Jésus-Christ, tu dois seulement agir de Jésus-Christ. And how to live in His word, it must be about Him and not about you. That's how to live in Christ's world. Und wenn wir in seiner Welt leben, so muss es da auch um ihn gehen und nicht um dich. Et dans la vie du Christ, il doit s'agir de Jésus-Christ et pas de toi-même. Then I have to postpone here. Amen. Amen. Because there's something here I really want you to see. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Concerning the flesh. Und hier gibt es auch noch Sachen, die ich gerne euch zeigen möchte, die einfach, wo es um das Fleisch geht. Amen. Amen. Jesus spoke concerning the flesh. Jesus sprach über das Fleisch. We will continue from here. The time has come. Amen. So that my children will go home. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I'll try and see how it will pass for the concern. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Beware of the spirit of flesh. Nehmt euch in Acht vor dem Geist des Fleisches. Et notre fois, on va parler de la chair, mais maintenant, on va finir avec le message. On doit faire vraiment très attention de l'esprit de la chair. Amen. Amen. The spirit of flesh is so strong. Der Geist des Fleisches ist so stark. Parce que l'esprit de la chair est très fort. Amen. Amen. Amen.